Comment religion et athéisme peuvent-ils cohabiter? La liberté des esprits dépend-elle de la liberté de nos institutions? Et Diderot est-il un précurseur de ce que nous appelons aujourd'hui la laïcité? La religieuse de Diderot nous accompagne ce matin jusqu'à 11h. 1760. Denis Diderot a 47 ans. En quelques semaines, le directeur de l'encyclopédie écrit La religieuse. Au XVIIIe siècle, la vie des couvents ne conserve souvent que les signes extérieurs d'une vie religieuse véritable. Moyenne en pension, beaucoup de bourgeois ou d'aristocrates enferment leurs filles au couvent jusqu'au mariage. Suzanne Simonin, promettez-vous de dire la vérité? Je le promets. Est-ce de votre plein gré, de votre libre volonté que vous êtes ici? Non. Oui. Marie-Suzanne Simonin, promettez-vous à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance? Non, monsieur. Marie-Suzanne Simonin, promettez-vous à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance? Non, monsieur, non. Mon enfant, remettez-vous et écoutez-moi. Monseigneur, vous me demandez si je promets à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance. Je vous ai bien entendu. Je vous réponds que non. Messieurs, et surtout vous, mon père et ma mère, je vous prends tous à témoin. Je suis ici contrainte et forcée. J'ai fait semblant jusqu'à ce jour de suivre la volonté de mes parents. Je n'ai aucune vocation. Et voilà donc une religieuse qui ne veut pas l'être. Bonjour Florence Lautry. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin depuis chez vous. Vous êtes professeure de littérature du XVIIIe siècle. Vous travaillez sur les rapports entre roman et philosophie à l'âge classique, sur les questions de genre et de représentation des sexualités à l'Université de Paris, anciennement Paris Diderot d'ailleurs. Oui, exactement, hélas. Hélas quoi? Ah oui, hélas, vous auriez aimé qu'elle continue à s'appeler... Bien sûr. Bah oui, ça n'a pas influencé vos recherches quand même. Non. Diderot m'accompagne depuis très longtemps et bien avant que je n'entre à l'université s'appelle de Paris maintenant. Voilà, c'est ça, l'université de Paris. Vous avez fait la présentation du texte de Diderot, La religieuse, en Garnier Flammarion. Et alors, il faut le dire, ce texte de La religieuse, qu'on va lire ce matin, qui est vraiment un texte assez incroyable, eh bien, tout commence avec une plaisanterie. Est-ce que vous pouvez nous raconter laquelle? Oui. Et d'autant que ce n'est pas l'extrait que vous avez proposé de l'ouverture du film de Rivette qui permet de s'en apercevoir. En 1760, Diderot essaye de faire revenir un de ses amis, un de ses amis et de son cercle, hein, avec Grimm et quelques autres, le marquis de Croixmare, qui est un plaisant compagnon, dont il regrette beaucoup la compagnie, et il est parti en Normandie. Et pour le faire revenir, ils imaginent une supercherie qui consiste à lui faire écrire par une religieuse tout à fait imaginaire, et qui se trouverait dans une situation très délicate, puisqu'elle aurait quitté son couvent, elle se serait évadée de son couvent. Et ils entrent dans cette supercherie parce que le marquis en question s'est beaucoup intéressé quelque temps auparavant à l'affaire de demande de résiliation des vœux d'une authentique religieuse, Marguerite de Lamarre. Mm-hmm. Donc ils s'inscrivent là, ils cherchent à profiter d'un terreau favorable chez ce marquis qui est bon chrétien et qui est aussi un homme sensible à la vertu persécutée, et puis qui en outre est un connaisseur fin de la peinture, qui aime la peinture, et il va rester des traces de ça dans le roman, c'est-à-dire que l'adresse du roman restera au début une adresse à ce marquis, hein, comme un reste de cette supercherie initiale. Et toute l'esthétique du roman est une esthétique picturale qui convoque beaucoup le sens du pathétique, et la capacité du lecteur à être touché. Et ça vient de là, en fait. Hein. Et alors, en écrivant cette correspondance, où ils essaient, bien sûr, de convaincre le marquis de revenir de toute urgence à Paris pour s'occuper de cette religieuse, ils rient comme des fous. Oui. Ils rient comme des fous en imaginant la réception du marquis. Ils rient, mais enfin, ça ne marche pas. Hein. Le marquis ne revient pas pour autant à Paris, mais il semble se laisser prendre au jeu pendant quelques temps. Début novembre 1760, Diderot écrit à Madame d'Épinay, « Je me suis mis à faire la religieuse, j'y étais encore à 3h du matin. Ce n'est plus une lettre, c'est un livre. Il y aura là-dedans des choses vraies, des pathétiques, et il ne tiendra qu'à moi qu'il y en eut de fortes. Mais je ne m'en donne pas le temps, je laisse aller ma tête, aussi bien ne pourrais-je guère la maîtriser. » Il se fait prendre au jeu, en clair. Oui, tout à fait. Lui-même, il se met en scène comme se faisant prendre au jeu, parce que c'est quelque chose que Diderot aime beaucoup à faire, hein. Il se laisse emporter par la capacité de son propre personnage à toucher, et une capacité proprement hallucinatoire dont il a tâché de rendre victime quelqu'un d'autre, et puis qui finit par l'atteindre lui-même. Et on peut se demander, hein, légitimement, si c'est pas une façon là aussi de mettre tout de suite en jeu son talent de romancier, qui serait si grand qu'il en viendrait à créer la confusion entre le réel et la fiction chez le créateur lui-même. La question se pose en tout cas de savoir dans quelle mesure ce qui était à l'origine un canular, ces lettres fictives s'inspirant de faits réels, donc qui mettent en scène cette religieuse qui a été enfermée dans un couvent contre son gré, dit quelque chose d'autre que ce récit-là. C'est-à-dire qu'il y a quand même toute une mise en scène de la religion et plus largement des institutions dites coercitives qui peut avoir un écho avec non seulement avec le XXe siècle, on parlait de Jacques Rivette qui a adapté ce texte au cinéma, mais avec aujourd'hui. Est-ce que c'est trop en faire que de présenter Diderot comme étant quelqu'un qui peut nous aider à penser ce que nous appelons la laïcité aujourd'hui, Florence Lautry? Non, c'est pas du tout une position forcée, contrairement aux vœux. Du reste, Diderot a écrit d'autres textes qui le situent de manière tout à fait explicite du côté de l'élaboration d'une pensée de la laïcité qui peut nous parler, hein, de façon très contemporaine. Les textes qui étaient destinés à Catherine II sont des textes qui inscrivent directement la question du pouvoir religieux dans l'articulation délicate entre le temporel et le spirituel, et pose la question des modalités de la séparation. Donc c'est quelque chose qu'il traverse, qu'il travaille longtemps. Je dirais que c'est plutôt le Diderot assez tardif, hein, d'ailleurs, oui, qui s'intéresse aux questions, à la question du politique, qui vient nous rencontrer plus directement. Dans La religieuse, c'est peut-être pas le texte le plus explicite sur la question. C'est un texte ambigu à maints égards. On aura l'occasion de s'en rendre compte sur d'autres thématiques. Mais Diderot, c'est quelqu'un qui est athée, qui est volontiers irreligieux dans les modalités même de son argumentation. Irreligieux, vous dites. Irreligieux, ouais. Hein, absolument. Et anticlérical, c'est pas la même chose, évidemment. Il décline tous les motifs de l'anticléricalisme des Lumières contre l'imposture, l'inutilité économique des moines, les difficultés que ça pose à l'organisation animale et à la liberté éventuellement sexuelle avec le célibat. Bon. Mais dans la religieuse, on peut pas dire que la part de l'irreligion, si la part anticléricale est là, bien sûr, la part de l'irreligion l'est beaucoup moins parce que il va s'intéresser justement au génie du christianisme, comme on ne dit pas encore, c'est-à-dire à la possibilité esthétique que porte toute la dimension de l'art chrétien, auquel il s'intéresse beaucoup par ailleurs, la possibilité de recourir à des modèles picturaux notamment, qui convoquent un imaginaire du cloître, de ses obscurités, la possibilité de faire jouer des effets de lumière, d'inquiétante étrangeté, y compris dans la possibilité de révéler des des nappes sonores par le texte lui-même, et c'est un élément dont Rivette va s'emparer de manière extrêmement forte. Son tour de force quand même consiste à dénoncer les conditions d'enfermement de Suzanne dans ce couvent, sans dénoncer, et vous avez commencé à le dire, la religion elle-même, puisqu'au fond Suzanne elle-même ne dit pas qu'elle est athée, elle dit qu'elle croit en Dieu, mais simplement elle ne veut pas passer sa vie dans un couvent, c'est très différent. Oui, tout à fait, c'est quelqu'un qui est profondément chrétienne. Il n'est jamais question que sa foi soit ébranlée d'aucune manière. Hein. Donc c'est un personnage dont le roman va d'ailleurs s'attacher à mobiliser la dimension proprement christique. Ce qui nous rapproche de la question de la laïcité, c'est que Suzanne, dans le couvent, vit le couvent comme une institution, vous avez dit, coercitive. Effectivement, c'est comme une sorte de micro-cité disciplinaire dans laquelle le sujet n'est pas entré sous les espèces d'un contrat de consentement libre. Donc elle pose la question des termes qui sont des termes politiques. Elle oppose à plusieurs reprises le sujet individuel et sa foi aux autorités ecclésiastiques et aux modalités de l'ordre auquel elle devrait se soumettre. Ce qui implique à la fois son esprit, la souveraineté du fort intérieur, mais aussi son corps. Mon corps est ici, mais mon corps est dehors. Et alors elle va, au gré du texte lui-même, rencontrer différentes figures d'autorité qui vont toutes jouer un rôle différent. Elle va aussi changer de couvent. Certaines figures seront de son côté, certaines au contraire vont essayer de la persécuter, parfois par la violence, d'autres fois par le sexe. Et si bien que tous les rapports de force qui sont engagés dans ce texte sont très durs, c'est quand même un texte qui est difficile à lire de ce point de vue-là. Nous sommes avec le personnage principal, avec Suzanne, victime nous aussi de cet enfermement et de cette grande violence dont elle est la victime. Oui, c'est vrai, et on pourrait presque dire, pour emprunter encore à Diderot lui-même, qu'avec la religieuse, il a créé une héroïne qui est victime des trois codes dont il est question dans le supplément du Voyage de Bougainville. La nature, profondément violentée, le code de la société, puisque si Suzanne est enfermée, c'est d'abord pour des raisons de stratégie et de calcul familial. Et puis le code religieux qui, bien sûr, vient profondément l'opprimer, l'écraser, à l'exception de la première supérieure, la mère de Monie, qui est une figure de mystique dont les caractéristiques sublimes et profondément touchantes dans le texte viennent s'articuler à une autre dimension du roman, qui en fait aussi largement l'originalité, qui est celui sur lequel la critique s'est beaucoup penchée dans les dernières années, depuis longtemps. C'est toute la nappe fantasmatique autour de la figure maternelle, puisque traverser des couvents, pour Suzanne, c'est pas seulement traverser des espaces d'interdiction et d'oppression, c'est traverser des espaces dans lesquels peut se rejouer un scénario maternel. D'une possibilité de préférence ou de rejet maternel. Donc il y a un principe de répétition dans le texte qui nous entraîne vers une autre dimension du sujet, qui n'est pas celle de son rapport aux institutions, à sa foi, à la qualité de sa liberté et à la manière d'en penser les possibilités dans la société, mais aussi le sujet du désir, qui a beaucoup de mal à se trouver lui-même dans ces conditions. Et l'interrogation de Diderot nous rencontre aussi sur ce terrain. Le tribunal administratif de Paris vient d'annuler la mesure d'interdiction qui avait frappé le film de Jacques Rivette, Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot. C'est pour insuffisance de motivation de la commission de contrôle cinématographique que le tribunal administratif vient de prendre cette décision. Chère Suzanne, levez-vous. Voici le mémoire qu'on m'a présenté contre vous. Répondez sans crainte. Voyons. Pourquoi ne vous confessez-vous pas? C'est qu'on m'en empêche. Pourquoi n'approchez-vous pas des sacrements? On m'en empêche. Pourquoi n'assistez-vous ni à la messe ni aux offices? On m'en empêche. Mais vous savez très bien... Madame, taisez-vous. Pourquoi sortez-vous la nuit de votre cellule? C'est qu'on m'a privé d'eau et de tout le nécessaire. Pourquoi vous a-t-on lié? Je l'ignore. Pourquoi votre cellule ne ferme-t-elle pas? Parce que j'ai brisé la serrure. Pourquoi? Pour aller à l'office le jour de l'ascension. Vous vous êtes donc montré à l'église ce jour-là? Oui, monsieur. Monsieur, ça n'est pas vrai. Toute la communauté... Jurera que la porte du cœur était fermée. Qu'elles m'ont trouvé à cette porte. Et que vous leur avez ordonné de marcher sur moi. Ce n'est pas... Madame, je vous ai déjà demandé de vous taire. Vous répondrez quand je vous interrogerai. Sœur Suzanne, pourquoi êtes-vous pieds nus? On ne me donne ni pain ni souliers. Pourquoi vos vêtements sont-ils si sales? Je couche avec depuis 3 mois. Pourquoi? Je n'ai ni rideau, ni linge, ni drap. Pourquoi? On les a ôtés. Êtes-vous nourri? Je demande à l'être. Vous ne l'êtes donc pas. Et l'on comprend donc qu'elle est maltraitée. Le terme ici n'est pas un euphémisme. Nous parlons de la religieuse de Diderot ce matin sur France Culture, les chemins de la philosophie, à l'occasion d'une journée autour de la laïcité, en compagnie de Florence Lautry, qui est avec nous depuis chez elle. On a entendu un flash du 22 mars 1967, flash interactualité, qui montrait que finalement le film de Jacques Rivette adapté de la religieuse, qui avait d'abord été interdit, a été projeté au Festival de Cannes en 66, mais que la décision d'interdiction est annulée en mars 67. Comment est-ce que vous comprenez, Florence Lautry, le fait que le film ait pu faire scandale 200 ans après la rédaction de ce texte? C'est difficile à comprendre du point de vue des idées, mais sans doute pas du point de vue des stratégies, des forces qui étaient alors en présence. Hein. On peut dire comme Godard qu'il y a de quoi s'étonner qu'un ministre gaulliste puisse avoir peur d'un philosophe des Lumières. Hein. C'est ce qu'il écrit dans sa fameuse lettre à Malraux au ministre de la Culture, avec un K. C'était le secrétaire d'État à l'information. En avril 66, hein, ouais. Voilà. Mais par ailleurs, c'est une histoire très intéressante, celle de la censure du film, parce que là, pour le coup, elle est complètement dans notre actualité. C'est une histoire d'articulation d'une puissance spirituelle et sacerdotale aussi. Un pouvoir politique pour orchestrer une interdiction dans un contexte tout à fait opportuniste qui était celui des élections présidentielles de 65. Donc on a une intervention de toute une communauté confessionnelle au demeurant pour faire interdire un film qui en 65 a pas connu son premier tour de manivelle, hein. Mais il y a une orchestration remarquable qui passe par les écoles confessionnelles d'ailleurs, et par la possibilité qui est offerte aux parents d'élèves dans les écoles confessionnelles d'envoyer des courriers types de protestation au ministère de l'Information. Alors c'est une autre époque. Hein, parce qu'il est vu comme un film anticlérical ou anticatholique. Parce que c'est un film qui, avant même d'être tourné, est réputé s'appuyer sur un livre que personne n'a lu, hein, c'est un peu comme les versets sataniques, qui présente la vie conventuelle de manière scandaleuse et donc qui porte atteinte à l'honneur de toute une communauté. C'est dans ces termes-là que l'affaire se noue. Et puis, ce qui est très remarquable, c'est que ce discours de réclamation qui procède pas directement de la société civile, mais d'une part de la société civile liée à la puissance de l'Église, et à un groupe confessionnel, rencontre la sympathie sensorielle d'un ministre du gouvernement de la République, en la personne d'Alain Perfitte. Donc il y a là une forme de collusion dont on a pu se demander si elle n'était pas d'entrée de jeu quelque chose qui procédait aussi du politique, et si le film ne s'est pas retrouvé au centre d'une action d'éclat visant à manifester tout l'intérêt, toute la bienveillance du pouvoir gaullien pour la catholicité française, aussi. Oui, c'est ça. Hein, mais voilà. Dans quelle mesure est-ce que le film de Rivette est fidèle au texte de Diderot, ou est-ce qu'il y rajoute une dimension plus politique, justement? Alors, c'est toujours difficile de parler de la fidélité d'un film dans une adaptation, mais... Si Rivette est fidèle, il y a bien des manières de l'être. Dans l'extrait qu'on a entendu, c'est un extrait remarquable du roman. parce que c'est un de ceux qui sont les plus picturaux, qui constituent un tableau. Et Diderot est aussi un dramaturge qui, à peu près au même moment, où il commence à écrire La Religieuse, hein, a théorisé l'impact du tableau sur le spectateur dans les nouvelles formes théâtrales auxquelles il songe. Et dans cette dimension du tableau, il y a le théâtre en même temps qu'il y a la peinture. Et Suzanne apparaît dans cette scène, alors tout à fait, évidemment, c'est l'acmé des violences qu'elle subit dans le couvent de Longchamp avec la supérieure sadique. Elle apparaît comme une sorte de Christ aux outrages. Et elle est à moitié dévêtue. Et le texte présente ce tableau troublant, qui est à la fois un tableau sombre, violent et puissamment érotisé, au lecteur et au destinataire dans le texte, qui est le marquis de Croix-Mar. Donc elle est là complètement découverte, et elle est comme un objet de désir, et elle touche effectivement l'ensemble du public qui est là. Hein. Et Rivets, là-dessus, est extraordinairement en phase avec l'esthétique diderotienne. Il s'est tout de suite emparé de cette esthétique du tableau, et elle est là, d'ailleurs elle est là dès le prologue, parce que dans le prologue on a d'abord, on l'a entendu tout à l'heure, hein, il y a un commentateur en voix off, et puis il y a une série en banc-titre d'images qui viennent accompagner ce commentaire, qui vient resituer justement La Religieuse dans une épaisseur historique, celle du XVIIIe siècle, et on voit... Une très belle gravure de Nicolas Lancret, enfin un dessin pardon de Nicolas Lancret, on voit un tableau de la vie conventuelle. Donc la peinture est là, mais le théâtre est là aussi, mm-hmm, pour faire tableau, hein, pour produire ces tableaux, et la scène du refus de prononcer ses vœux de Suzanne, qu'on a également entendu, elle apparaît dans le film d'une manière qui correspond tout à fait, je crois, à l'intention première de Diderot de fournir d'abord un spectacle. Oui, il y a quelque chose d'incroyable dans cette scène qui a ouvert l'émission. Hein, donc on lui demande justement, est-ce que vous promettez promettez-vous de dire la vérité ? Je le promets. Est-ce de votre plein gré, de votre libre volonté que vous êtes ici ? Je répondis non, mais celles qui m'accompagnaient répondirent pour moi oui. Et tout le reste du texte, c'est cela. Elle lui demande, mais est-ce que vous voulez faire vœu de chasteté ? Non, monsieur. Et elle dit, mais je suis sincère, je vous dis non. Tout le personnage de la religieuse trouve aussi un de ses intérêts dans le fait qu'elle est absolument honnête, voire même naïve. Elle a cette forme de naïveté qui tantôt la sert et tantôt la dessert, et qui, en ce sens, la fait vraiment ressembler aux héroïnes de son époque. Au fond, on peut penser à La Vie de Marianne, hein, le texte de Marivaux. Elle a comme des sœurs dans la littérature du XVIIIe siècle. Oui, oui, c'est vrai, d'autant que Marivaux était un des, avec les lettres persanes, un des grands modèles de ce roman-là. Alors, la sincérité de Suzanne, ça peut nous entraîner assez loin, mais dans le contexte que vous évoquez là, c'est vrai que ce que Suzanne oppose en permanence à la facticité, à l'hypocrisie de l'univers dans lequel elle est forcée d'entrer, c'est la demande de transparence sur les mots et les choses. Si on lui demande de s'exprimer librement, alors elle va prendre la notion de liberté au pied de la lettre. Oui. C'est évidemment. Si elle est à ce point inébranlable, c'est aussi parce que cette liberté apparaît dans le texte non seulement comme une revendication qui peut être portée par un sujet philosophique, mais là le texte montre davantage, je dirais, les coutures de son artifice premier, c'est-à-dire que quand Suzanne se évoque sa liberté en termes philosophiques, c'est pas tout à fait sa voix. Hein. C'est plutôt le narrateur qui reprend le dessus, voire derrière lui l'auteur. Mais en revanche, il y a dans la disposition de l'héroïne à revendiquer en permanence cette liberté aussi quelque chose de viscéral, hein, comme elle le dit elle-même, je le sens là. C'est profondément enraciné en elle-même, et c'est une liberté qui, je dirais, qui est totalement formelle, c'est-à-dire c'est celle qui consiste qui n'a pas de contenu encore, mais qui consiste à dire déjà ce qu'elle ne veut pas. Oui, je hais la vie solitaire, dit-elle. Je sens que je la hais, je sens que je la haïrai toujours. Je ne saurais m'assujettir à toutes les misères qui remplissent la journée d'une recluse. C'est un tissu de puérilité que je méprise. J'y serais faite si j'avais pu m'y faire. J'ai cherché 100 fois à m'en imposer, à me briser là-dessus. Je ne saurais. J'ai envié, j'ai demandé à Dieu l'heureuse imbécilité d'esprit de mes compagnes. Je ne l'ai point obtenue, il ne me l'accordera pas. On dirait quelqu'un qui a du mal avec son confinement. C'est d'ailleurs exactement le cas, les confinés dans un couvent. Oui, son esprit et son corps ne correspondent pas, sont en discordance avec cette claustration. Et ce « je ne saurais », vous le trouvez à d'autres moments dans le texte, face à celle qui voudrait lui faire jurer qu'elle n'a pas écrit un mémoire judiciaire. Je ne saurais jurer. Ce « je ne saurais », c'est une résistance perpétuelle à cet enfermement. Et la discordance, elle est permanente, mais elle autorise aussi une esthétique. Moi, ce que je trouve intéressant dans le film de Rivette, par ailleurs, alors c'est pas moi qui l'ai dit, ça a été observé par des spécialistes beaucoup plus éclairés du cinéma, mais Rivette a très bien compris cette discordance-là, et il s'en sert dans la grammaire cinématographique qui est la sienne, en provoquant des disjonctions entre l'espace intérieur et l'espace extérieur, par exemple. On entend les battements du cœur de Suzanne, mais ils ne correspondent pas à la situation, ou bien il y a une musique particulièrement dissonante de Jean-Claude Éloy qui vient manifester que quelque chose ne continue de résister et de grincer finalement à l'intérieur de Suzanne et va jamais trouver son point d'adaptation. C'est une réclamation tellement viscérale qu'elle ne pourra rencontrer à aucun moment la parole et la volonté de l'autre dans l'institution conventuelle. Sœur Suzanne, m'aimez-vous ? M'en ferais-je pour ne pas vous aimer ? Il faudrait que j'aie l'âme bien ingrate. Vous avez tant de bonté. Sœur Suzanne, vous ne m'aimez pas. Si, je vous aime. Non, vous ne m'aimez pas. Dites-moi ce qu'il faut que je fasse pour vous le prouver. Devinez. La mère supérieure avait levé son linge de cou et elle avait mis une de mes mains sur sa gorge. Elle se taisait. Je me taisais aussi. Elle paraissait goûter le plus grand plaisir. Elle m'invitait à lui baiser le front, les joues, les yeux et la bouche. Et je lui obéissais. Je ne crois pas qu'il y eut du mal à cela. Cependant, son plaisir s'accroissait. Encore. Et comme je ne demandais pas mieux que d'ajouter à son bonheur d'une manière aussi innocente, encore. Je lui baisais encore le front, les joues, les yeux et la bouche. La main qu'elle avait posée sur mon genou se promenait sur tous mes vêtements, depuis l'extrémité de mes pieds jusqu'à ma ceinture, me pressant tantôt dans un endroit, tantôt en un autre. Elle m'exhortait en bégayant et d'une voix altérée et basse à redoubler mes caresses. Je les redoublais. Enfin, il vint un moment, je ne sais si ce fut de plaisir ou de peine, où elle devint pâle comme la mort. Ses yeux se fermèrent, tout son corps s'étendit avec violence. Ses lèvres se fermèrent d'abord, elles étaient humectées comme d'une mousse légère, puis sa bouche s'entr'ouvrit et elle me parut mourir en poussant un grand soupir. Je me levai brusquement. Je crus qu'elle se trouvait mal. Je voulais sortir, appeler. Elle entr'ouvrit faiblement les yeux et me dit d'une voix éteinte « Innocente, ce n'est rien. Qu'allez-vous faire ? Arrêtez. » Thank you. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous parlons du texte La religieuse de Diderot, dans le cadre de cette semaine consacrée à Diderot, aujourd'hui en compagnie de Florence Lautry. Vous venez d'entendre un texte, un extrait donc de La religieuse lu par Denis Podalydès et mixé par Esther Valencique avec une autre adaptation de La religieuse, le film de Guillaume Niclou qui date de 2013. Suzanne est interprétée par Pauline Étienne et la mère supérieure du couvent Sainte-Eutrope, Madame Trois Petites Étoiles, interprétée par Isabelle Huppert. Cette scène est assez extraordinaire, Florence Lautry, parce qu'il y a une grande violence, on assiste quand même à un viol, mais qui est absolument symptomatique des effets de la répression du couvent. La mère supérieure va devenir folle, une fois qu'elle sera rejetée par Suzanne. Suzanne, elle, est complètement aveugle au désir de la mère supérieure, si bien qu'on se demande si sa passivité et son obéissance ne serait pas le signe de l'efficacité disciplinaire du couvent. Oui, alors c'est une interprétation possible. C'est manifestement celle qu'a choisi Niclou. Dans le jeu même de Pauline Étienne, on l'entend. Hein, son diction est totalement mécanique. Ouais. Elle récite un texte dont elle ne semble pas être ni l'auteur ni le sujet. Et elle se trouve totalement étrangère, effectivement, à ce qui se passe du côté d'Isabelle Huppert. Mais si on peut voir les choses comme ça, ce qui est aussi induit par le texte de Diderot, parce que Suzanne désapprend complètement à vivre normalement dans son corps et dans son esprit, du fait de la discipline conventuelle. Et au moment où elle s'évade, elle est reprise par la mécanique du rituel de couvent. Elle se signe à chaque fois qu'elle entend une cloche, elle se trahit même par là. Son corps est devenu partie prenante du couvent. Il est emprisonné au même titre que son esprit. Mais on peut aussi s'interroger sur la duplicité que Diderot n'a pas manqué de faire intervenir dans le texte sur le non-savoir de Suzanne. Au je ne saurais tout à l'heure répond un je ne sais qui est perpétuel aussi dans le texte, et ce je ne sais fonctionne comme une dénégation de la narratrice, parce que dans le texte, il ne faut pas oublier qu'il y a ce dispositif que le cinéma a un peu plus de mal à restituer, qui est celui d'un manuscrit adressé à un destinataire qu'il faut séduire, mais auquel il faut aussi donner des gages de moralité et d'innocence. Cette innocence, elle est pourtant sujette à caution et elle est d'une fiabilité très moyenne pour le lecteur un peu attentif, puisque le récit, sous la forme d'un roman mémoire, est un récit rétrospectif depuis un point d'arrivée de la narration où la narratrice sait très bien ce qu'il en est de la nature du désir de cette supérieure. Donc elle ne peut pas continuer à dire qu'elle ne sait pas. Alors là, il y a un effet de présence à son histoire, qui est aussi une trace de la genèse même du roman, hein, de ce moment où ce petit groupe autour de Diderot s'amusait à écrire au fur et à mesure des lettres jusqu'à entrer complètement dans l'identité en devenir du personnage. Mais Diderot a revu son texte à plusieurs reprises, il y tient énormément. Et il le reprend au moment où il pense à ses œuvres complètes à venir, à sa postérité, donc il corrige. Il ne peut pas ne pas avoir vu, même s'il est vieux et fatigué, quels pouvaient être les moments d'anomalie narrative pour le lecteur. Je fais partie de ces lecteurs qui pensent qu'il les a maintenus pour créer des petits effets de discordance, nous poussant à nous interroger sur l'ironie du romancier qui laisse son héroïne ne pas savoir alors qu'elle sait. Et c'est beaucoup plus intéressant parce que ça crée plutôt une béance au niveau de l'identification du sujet à son propre désir. Et on revient là à la composante plus fantasmatique du texte. Oui, il faut... allez-y. C'est très intéressant quand même de voir dans cette scène, quand on la lit avec attention, de même qu'on peut lire d'autres scènes fortement érotisées dans ce couvent-là, à Sainte-Eutrope, Suzanne voit tout en ne voyant pas. Et comprend tout en ne comprenant pas. Par exemple, dit-elle au marquis, qu'est-ce qu'on peut voir de bizarre dans la scène du clavecin ? Enfin, je suis désolée, on vient d'entendre, c'est extrêmement bizarre, en effet. Hein. Enfin, bizarre n'est peut-être pas le terme, d'ailleurs. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'on peut y voir de mal? Peut-on penser à mal là-dessus? Est-ce qu'il ne faut pas avoir l'esprit mal tourné? Et par là, Diderot interroge aussi les conditions de représentation de la sexualité dans la fiction et sa possible obscénité. Si on voit ce qu'il y a bien à voir, c'est-à-dire un viol, un abus sexuel sur personnes deux personnes ayant autorité sur personne ne pouvant comprendre ce qui lui arrive, alors on est dans l'obscène si on nomme le viol comme tel. Et Diderot est beaucoup plus intéressé par une perspective poétique qui permet de dire les choses sans les dire complètement. Ne serait-ce que parce que il s'agit absolument pas d'avoir écrit un roman de couvent libertin, dans lequel on proposerait au lecteur un peu crapuleux des scènes érotiques, qui sont caractéristiques de certains romans de cloître hein, au XVIIe, au XVIIIe siècle, des scènes érotiques où le lecteur pourrait être un voyeur tranquille. C'est pas possible dans la scène qu'on vient d'entendre d'avoir cette position. C'est beaucoup plus inconfortable en réalité, et on ne peut ni condamner la supérieure, ni se détacher de Suzanne, parce que la focalisation interne est très très forte et que on est dans cette angoissante ignorance qui est la sienne. Tout en pouvant se mettre à distance parce qu'on sait de quoi il est question. Donc il y a finalement tout ce qui est nécessaire à la construction pathétique dans le discours esthétique du XVIIIe est présent, y compris le fait que le lecteur en sait davantage et souffre de cette ignorance de l'héroïne. Tout est merveilleusement coordonné de ce point de vue-là. C'est surtout dans la passion de l'amour, les accès de la jalousie, les transports de la tendresse maternelle, les instants de la superstition, la manière dont elles partagent les émotions épidémiques et populaires que les femmes étonnent. J'ai vu l'amour, la jalousie, la colère, la superstition portées dans les femmes à un point que l'homme n'éprouva jamais. Le contraste des mouvements violents avec la douceur de leurs traits les rend hideuses, elles en sont plus défigurées. Les distractions d'une vie occupée et contentieuse rompent nos passions. La femme couve les siennes. C'est un point fixe sur lequel son oisiveté ou la frivolité de ses fonctions tient son regard sans cesse attaché. Organisée tout au contraire de nous, le mobile qui sollicite en elle la volupté est si délicat et la source en est si éloignée qu'il n'est pas extraordinaire qu'elle ne vienne point ou qu'elle s'égare. Si vous entendez une femme médire de l'amour et un homme de lettres déprécier la considération publique, dites de l'une que ses charmes passent et de l'autre que son talent se perd. Jamais un homme ne s'est assis à Delphes sur le sacré trépied. Le rôle de pitié ne convient qu'à une femme. Il n'y a qu'une tête de femme qui puisse s'exalter au point de pressentir sérieusement l'approche d'un dieu, de s'agiter, de s'écheveler, d'écumer et de s'écrier « je le sens, le voilà, le dieu » et d'en trouver le vrai discours. Cependant, la recluse dans sa cellule se sent élevée dans les airs. Son âme se répand dans le sein de la divinité. Son essence se mêle à l'essence divine. Elle se pâme, elle se meurt. Sa poitrine s'élève et s'abaisse avec rapidité. Ses compagnes, attroupées autour d'elle, coupent les lacets de son vêtement qui la serre. La nuit vient. Elle entend les chœurs célestes. Sa voix s'unit à leur concert. Ensuite, elle redescend sur la terre. Elle parle de joies ineffables. On l'écoute. Elle est convaincue. Elle persuade. La femme, dominée par l'hystérisme, éprouve je ne sais quoi d'infernal ou de céleste. Quelquefois, elle m'a fait frissonner. Je profite de votre présence, Florence Lautry, et de votre spécialisation sur les questions de genre et de représentation des sexualités dans vos travaux, et notamment donc chez Diderot, pour vous interroger, pour essayer de comprendre la position de Diderot sur les femmes, puisque c'est le titre du texte dont je viens de lire quelques extraits, oui. Sur les femmes, ça date de 1772. On y entend beaucoup de choses, et il me semble que dans les extraits que j'ai lus en tout cas, il y a beaucoup de choses qui viennent contredire ce qu'on peut lire par ailleurs. Dans ces textes, on a parlé du rêve de D'Alembert hier et on a vu comment le rôle de Julie de Lespinasse a quelque chose de, sinon féministe, du moins tout à l'honneur de cette femme. Dans ce texte, non seulement la différence est nette entre l'homme et la femme, mais elle ne semble pas être au profit de la femme. Alors qu'en est-il vraiment ? Alors, je suis pas sûre qu'il n'y ait pas des résonances avec le rêve de D'Alembert. Hein. Mm-hmm. D'une part parce que on peut plutôt parler en chiasme là. D'une part parce que Julie de Lespinasse est aussi extraordinairement genrée par les manifestations de son corps et par la façon dont sa sensibilité s'articule à son travail intellectuel dans le dialogue. Hein, c'est parfaitement explicite dans le texte. Et inversement, dans le texte que vous avez lu, les représentations... Alors, c'est vraiment un texte... de genre, bien sûr, ouais. Puisque c'est la féminité hein, qui est mise en scène là, de la façon, pour nous peut-être, qui peut apparaître dans une première analyse, la façon la plus caricaturale, avec la référence à l'hystérisme qui semble là ouvrir sur l'ensemble d'un certain 19e siècle. Mais en même temps, dans cette représentation du mystère féminin, il y a d'une part l'émotion de celui qui écrit. Hein, je frissonne, et ce verbe frissonner suppose une sympathie sexuelle, bien sûr, mais pas seulement, pour les manifestations de cette sublimité féminine. Et puis d'autre part, il y a dans le mystère féminin, quelque chose qui relève d'une appréhension fine, intéressée, curieuse, pleine de fragilité dans la voix masculine, de ce caractère impossible à situer de la jouissance féminine. Comment elles font ? Elles sont beaucoup moins, c'est plus subtil, c'est plus ineffable. C'est moins simple que la jouissance masculine, dont il se moque hein, dans le même texte et dans d'autres textes, en parlant de ce... Les hommes aussi ont un dieu qui se dresse malgré eux et qui n'a besoin finalement pour s'expédier à la manière du cynique, comme il est dit dans le rêve de D'Alembert, que d'un geste. Ça vient presque... en dépit de soi, à côté de soi, chez la femme. Il y a une appréhension fascinée d'un sujet qui est déplacé par rapport à lui-même et qui est la femme. Et là où il est quand même beaucoup plus proche de nous qu'il n'en a l'air, c'est que de ce déplacement-là, cette difficulté à rencontrer son propre désir... Diderot l'associe quand même beaucoup plus à des conditions du moment, à des conditions sociales, à des conditions de construction du rapport de sexe qu'à une nature. Oui, bah parce que... Ou du moins, il y a les deux. Bah parce que, encore une fois, dans le rêve de D'Alembert, il dit bien la différence entre l'homme et la femme. Vous savez, est-ce que la femme est le monstre de l'homme ou l'homme le monstre de la femme ? Oui. Il dit, mais finalement, la seule différence, c'est que chez l'homme, la bourse est à l'extérieur et chez la femme, la bourse est à l'intérieur. De manière purement anatomique, il dit, il n'y a pas tellement de différence. Et dans le texte dont j'ai lu les extraits, au contraire, on a l'impression que les différences sont très énormes. Donc, très grosses. Donc, vous dites, finalement, il dénonce là, non pas, c'est pas un essentialisme. C'est pas les femmes jouissent différemment par nature et c'est un mystère féminin naturel, mais ce sont les conditions sociales qui viennent restreindre la liberté des femmes d'user de leur corps. Oui, c'est les conditions sociales et quelque chose d'autre qui n'a pas de nom et qui se situe quelque part entre le corps et l'esprit, qui relève d'un mystère en effet de la différence. Diderot a des positions qu'on peut pas particulièrement synthétiser. Le rêve de D'Alembert, en outre, est aussi un texte qui est contrariant, parce que il y a à la fois cette représentation de la perspective que Thomas Laqueur appelait unisexe, hein, c'est-à-dire voilà, le corps féminin, c'est jamais qu'une perspective intériorisée du corps masculin, qui lui permet de déboucher sur une rêverie androgynique ou hermaphrodite qui intéresse le matérialiste. Mais ça passe par un médecin qui n'est qu'une voix à l'intérieur de ce dialogue. Mais il y a aussi une perspective sur le féminin à tout jamais lié à son diaphragme, qui fait que la façon dont le savoir vient aux femmes, notamment, révèle un sujet qui est intéressant précisément parce qu'il est tout le temps déplacé par rapport à lui-même. Et que c'est ça qui lui donne en fait un esprit si singulier, si intéressant, qu'on aimerait bien comprendre et pour lequel on sent qu'il faut en passer par le dessous de la ceinture, comme dans Les bijoux indiscrets. Et c'est moins flagrant dans le texte de La religieuse. Oui, c'est moins flagrant. Disons que c'est plus. Moi, je trouve que c'est quand même là, parce que cette Suzanne Simonin pose bien la question de la possibilité d'entrer dans la sexualité, et que c'est une manière dans la fiction de récupérer des questions philosophiques que Diderot a posées par ailleurs. Comment est-ce que c'est possible, quelles sont les conditions sociales, politiques, économiques, familiales qui permettent ou pas à une jeune fille d'entrer dans le régime de la sexualité qui va aussi fonder son identité pleine et entière. C'est quand même bien une question que pose le texte. Suzanne, mais le texte, Diderot, enfin le narrateur pose la question Suzanne, implicitement. Mais Suzanne est une héroïne de la dénégation, oui, mais le romancier pose à travers justement cette posture régressive de Suzanne, sur laquelle beaucoup de gens ont insisté, il pose cette question-là de l'impossibilité qui est construite de laisser entrer la jeune fille dans ce régime-là de la sexualité. Et qui fait d'ailleurs que Suzanne trébuche et que Diderot a imaginé pour son roman une fin dont il n'arrive pas à se dépêtrer d'ailleurs. Parce qu'elle il n'y a pas vraiment relance. De fin. Voilà, c'est une fin qui n'est pas une fin, mais elle relance Suzanne dans un roman de cloître crapuleux, et c'est, tout se passe comme si Diderot n'avait pas voulu poursuivre là-dessus ou laisser en suspens la possibilité ouverte pour son héroïne de réussir quand même, hein, à s'en sortir. Mais puisqu'il ne conclut pas, on peut se demander si c'est possible à une jeune fille à qui a été barrée toute possibilité d'entrer dans l'ordre de l'éros normalement. C'est pour ça qu'elle se retrouve en butte au libertinage. Le libertinage intervient dans le texte précisément comme la mauvaise sexualité. Et c'est celle qui ne peut qu'arriver à partir du moment où on a affaire à un sujet de cette ignorance-là. Donc au fond, le couvent dans La religieuse serait la métaphore de la société de l'époque. Oui, c'est une métaphore politique, et je vous disais tout à l'heure, comme en passant, que parmi les modèles de Diderot, il y avait la vie de Marianne, encore que Marianne, c'est celle qui, elle, s'en sort. Hein. Donc la vie de Marianne, avait... c'est le roman de Marivaux, le seul roman d'ailleurs, je crois, de Marivaux. Voilà. Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Oh oui, il y en a pas mal d'autres, puis il y en a un autre très grand qui est le paysan parvenu. Ah oui. Il est à tout jamais le romancier de la vie de Marianne. Mais il y a aussi les lettres persanes, où le sérail fonctionne aussi comme une métaphore politique, et ça a beaucoup influencé l'imaginaire carcéral conventuel de la religieuse, ça. Hein. Et la question reste de savoir jusqu'où est-ce qu'on peut transposer ce que Diderot dit de son époque à notre société actuelle. Je ne sais pas si on a intérêt à transposer. Je crois qu'il faut laisser le texte nous suggérer un certain nombre de dispositions qui rencontrent les nôtres sur la question du rapport entre un pouvoir spirituel abusif et un pouvoir temporel qui n'intervient pas assez fermement. C'est le problème de la justice dans le roman. et du secours de la justice, hein, parce qu'il y a la justice religieuse et il y a la justice temporelle avec l'avocat Manouri. Ouais. Et il se trouve que c'est à la justice temporelle que le roman laisse la voie de la revendication. Il y a une lecture, il y a une diatribe à un moment sur les couvents, et c'est censé être un extrait du mémoire de Manouri. Donc c'est de ce côté-là que serait la justice. Mmh. Donc, peut-être une suggestion possible du texte, de même qu'on doit rester captivé par la manière dont Diderot a su manifester en effet le poids des interdits sexuels sur les sujets enfermés, mmh. et a su construire la discipline, la question de la discipline religieuse trop importante, hein, en ces termes-là. Merci beaucoup Florence Lautry de nous avoir parlé de la religieuse ce matin. Et je renvoie les auditeurs à la présentation que vous avez faite de ce texte en Garnier Flammarion. Voilà, il y a beaucoup tous les textes dont nous parlons cette semaine sont disponibles en Garnier Flammarion. Et donc avec votre présentation en ce qui concerne la religieuse, on se quitte avec la religieuse, mais l'amante religieuse de Barbara. La très mystérieuse, je suis l'amante religieuse, ni belle ni bonne, je ne me personne, et je passe. Je suis celle de la nuit, je suis celle de l'amour, et je croque le mari qui rôde à mon alentour. Mais non, mes belles, mes tourterelles, je suis la douce, si douce, douce. J'ai le cœur tendre et pâte de velours, et pour me prendre au piège de l'amour, il n'y en a qu'un qui sait poser ses mains au creux de mon cou, au creux de mes reins. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de passer de Diderot à Barbara et de Barbara à Aurélien Bélanger pour sa question philo du jour. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Je me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question ce matin est la suivante. Qu'est-ce que le Covid fait à la pensée? Alors, ça fait déjà un an qu'on vit à l'intérieur, pour beaucoup d'entre nous, du premier événement historique de notre vie. Cela fait un an que les virologues étudient le virus, que les épidémiologistes étudient la pandémie, que la chose mobilise les gouvernements du monde entier, que les médias ne parlent que de cela, qu'il y a un masque bleu au-dessus des tendances sur Twitter. Il est parfaitement normal donc que les philosophes, à leur tour, soient mobilisés et tentent de penser la pandémie. Alors on pourrait faire une typologie de leurs réflexions. Il y a ceux pour qui la pandémie a fait enfin vaciller les frontières contestables du royaume humain. La pandémie serait le nom d'un nouveau partage du vivant. Mieux, elle serait un événement d'ordre ontologique. L'apparition, prédit par quelques penseurs jusque-là isolés, d'un macro-objet, de quelque chose qui tiendrait ensemble des éléments que le savoir séparait jusque-là, comme l'histoire des civilisations et celle des agents pathogènes. D'autres voient dans l'apparition du virus une conséquence directe du réchauffement climatique et de la mondialisation, réduisant le virus à un accident, mais un accident au sens métaphysique du terme, son enveloppe biologique définissant moins sa substance que les conditions environnementales de son apparition. Chaque spécialiste se raconte en réalité le virus qui lui convient. Le virus est un révélateur, un deus ex machina, voire une paresse intellectuelle. On en vient alors à se demander si la charge virale du coronavirus n'est pas aussi idéologique. Vous voulez dire que le virus servirait en fait d'alibi pour avancer des idées, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est qu'un virus en dernier lieu ? C'est justement quelque chose qui n'a pas la faculté de se reproduire seul et qui doit être retranscrit par la cellule hôte, un exercice de ventriloquie biologique, si l'on veut. La pandémie nous parlerait donc à travers tous ces discours qu'on entend sur elle. Et donc nous serions devenus les interprètes du virus ? C'est un peu absurde, mais pas plus que de prêter une intentionnalité reproductrice au virus. En réalité, s'il y a bien une chose qui nous prend justement toujours au dépourvu, ce sont les événements sans intentionnalité. Et comme on met des voix off sur le moindre documentaire animalier, on évoque ici, par exemple, la revanche des écosystèmes. Et ce qui s'est joué ainsi dans la pensée, parallèlement à la recherche d'un vaccin, c'est une sorte de compétition entre philosophes sur celui qui arriverait le premier à doter le virus d'une sorte de cerveau, à en devenir en tout cas l'interprète attitré. Donc le Covid aurait contaminé la pensée aussi. On pourrait parler à cet égard d'un platonisme un peu dégénéré, descendu dans la caverne de la cellule infectée. Les penseurs de la pandémie auraient reçu du virus lui-même un enseignement ésotérique. Je ne serais pas ainsi surpris que, contre toute l'apparente sympathie de la philosophie pour la rationalité scientifique, on trouve bientôt un philosophe à la tête du mouvement anti-vax. Mais plus sérieusement, je me suis dit, devant une file d'attente à la porte d'un laboratoire, qu'elle était là, la forme véritable de la pandémie, quelque chose de finalement très prosaïque, mais qui portait en elle le souvenir de quantité d'autres événements historiques, une queue devant les magasins, avec tout cela qu'on porte d'extraordinaire et de déjà vu. Du virus, nous ne saurons jamais rien, car il n'y a rien à en savoir, mais nous nous souviendrons longtemps de ces files d'attente, de ces gestes barrières, du frottement désagréable des écouvillons et de l'odeur de tabac froid des masques neufs. L'événement historique, avant d'être un récit mythologique ou une allégorie, ce n'est que cela, un bloc de réel, terriblement pénible à traverser, un moment d'inconfort pour le plus stoïque des penseurs, comme pour le plus pressé des optimistes, l'écouvillon du temps tombé dans une muqueuse. Voilà. Merci Aurélien Mélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle avec Avril Poignant-Le Goff, Clara de Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Esther Valencic qui réalise pour vous cette série d'émissions sur Diderot. À la prise de son aujourd'hui, c'était Jean Frédérics. À la lecture des textes, vous l'avez peut-être reconnu, c'est Denis Podalides. La journée autour de la laïcité continue. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes le 9 décembre. Eh bien, le 9 décembre 1905, c'était la loi sur la séparation des églises et de l'État. Alors, pour l'occasion, Marie Richeux, tout à l'heure, recevra la comédienne Rachel Kahn dans son émission « Par les temps qui courent ». France Culture vous propose également un podcast inédit. « Ils ont pensé la laïcité », un podcast à retrouver sur le site franceculture.fr. Quant à nous, on se retrouve demain pour la suite de notre série avec Denis Diderot. Demain, on parlera de Jacques le fataliste, un dialogue tout aussi déjanté que les précédents. Ce sera le philosophe Gerhard Stenger qui sera, non pas en studio, mais avec nous depuis chez lui, pour en parler. D'ici là, eh bien, vous pouvez réécouter cette émission en téléchargeant l'application Radio France, par exemple, qui vous permet d'écouter les émissions en direct, mais aussi en téléchargement, ou en vous rendant sur le site de France Culture pour la réécoute en ligne. On vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires. À demain, 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.